The enemies of Africa are now praying. They are praying for the failure of this conference. The people of Africa are also praying. They are praying for the triumph of Pan-Africanism, of a narrow nationalism or regionalism. They are specifically praying for the triumph of an all-embracing African charter over a Monrovia or a Casablanca or any other sectional charter. Les ennemis de l'Afrique sont en train de prier. Ils prient pour que cette conférence soit un échec. Les peuples d'Afrique, eux aussi, sont en train de prier. Ils prient pour que le panafricanisme triomphe d'un nationalisme ou d'un régionalisme étriqué. Ils prient tout particulièrement pour le triomphe d'une grande charte africaine au-dessus des chartes des groupes de Monrovia, de Casablanca ou de tout autre groupe. Le Malien Modibo Keïta, pour sa part, dirige son pays depuis juin 1960, date de l'indépendance.